Les Huskies de Rouyn-Noranda ont échoué la semaine dernière de devenir l'équipe avec plus de victoires dans l'histoire de la Ligue de hockey junior du Québec. Plus de victoires consécutives. Ils ont perdu contre Drummondville. Défaite à Drummondville. Quoi qu'il en soit, on va parler avec le gardien de but originaire d'Allemagne, Samuel Harvey. Salut Samuel. Salut Danny. Samuel, je parlais avec Jean-Paul Charlebois, le descripteur des matchs des Huskies. J'y parlais vendredi. À 25, il me semble que on doit être un peu déçu. Tant qu'être rendu là, je disais, on va y aller pour une 26e pour avoir l'avoir, j'imagine. Ouais, ben c'est sûr qu'après le match, on était déçus de la séquence février. On était déçus d'avoir perdu le match. C'est une grosse partie contre Drummondville et tout ça, mais faut quand même mettre en évidence qu'on a gagné 25 de suite quand même. Il fallait être fier de tout ça aussi. Ça arrive pas souvent. C'est arrivé deux autres fois dans l'histoire de la Ligue canadienne, puis là, c'est la troisième fois. Fait que veux pas, tu sais, il fallait quand même être fier de ce qu'on a fait. Puis oui, c'est une défaite crève-cœur. On passe à d'autres choses. Là. On a joué contre Sherbrooke le lendemain, puis là, on a trois jours cette semaine. Fait qu'on passe à d'autres choses. Est-ce que vous aviez ressenti une pression supplémentaire? Vous veux pas, ça devait. Avant le match de vendredi, je parlais avec Jean-Paul Charlebois, puis il me disait non, les Huskies, ils vont un jour à la fois. C'est la mentalité des Huskies. Le pic, on connaît pas ça. Puis c'est une game à la fois. C'est même depuis que moi, je suis descripteur. Mais j'imagine que vendredi contre à Drummondville, on veut pas ça y penser. Là. Ben, regarde, honnêtement, moi, je pense que. Dans l'entourage de l'équipe, là, on n'a pas vraiment parlé de cette séquence-là. Puis, on le savait. Oui, on le savait qu'on pourrait briser le record contre Drummondville. Sauf qu'on n'a pas fait une grosse histoire avec ça. C'est pour nous autres, là, notre but, pendant les 25 matchs, puis pendant tous les matchs qu'on suit jusqu'à la fin de l'année, puis s'améliorer à chaque jour, puis c'est d'arriver match par match. Puis vraiment, de prendre ça comme un événement totalement individuel. Ça, c'est pour nous autres, il y avait peut-être un petit peu de pression vu qu'on savait que c'était une grosse partie, puis on pouvait briser le record. Puis, c'était une grosse partie aussi, donc, parce qu'on jouait contre Drummondville, puis c'est une excellente équipe. Donc, tu sais, oui, il y avait un petit peu plus de pression. Sauf que je pense que dans l'avenir, il va y en avoir plus dans les séries, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était juste, honnêtement, je pense, bon d'avoir ce genre de pression-là. Puis, tu sais, nous autres, on a passé la page, on a tourné la page, puis... on n'en parle plus, puis maintenant, on se concentre sur l'avenir. Es-tu content, Samuel, pareil, que tout ça s'est passé, puis que là, on passe à autre chose, puis là, on va se concentrer? Parce que moi, il y a un aspect, je sais que je crois beaucoup, c'est le pic. Est-ce que c'est une crainte dans l'équipe d'avoir piqué trop de bonheur? Vraiment pas. Je te le dis bien sincèrement, là. On a eu des matchs là, pendant ces 25 matchs-là qu'on a gagné qu'on n'hésitait peut-être pas de gagner. Là, fait que je pense que le résultat était là, mais le résultat, je pense pas que c'est un pic. Je veux dire, il y a des games, je pense. Il y a des games qu'on s'est rendu en prolongation, on a manqué perdre tout ça. Fait qu'on n'était pas fiers de nous. Ça avait quasiment une saveur, pas une saveur de défaite parce qu'on avait gagné, mais on savait qu'on devait faire mieux. Fait que il y a eu des hauts et des bas dans cette série de victoires-là. Je pense pas qu'on a piqué du tout. Moi, je pense qu'on est encore en apprentissage. On peut devenir une meilleure équipe de hockey que ça. Puis c'est ça, notre, comme je l'ai dit, on prend un jour à la fois, puis notre, ça me l'a vu tout le temps. Fait que notre apprentissage n'est vraiment pas terminé. Puis on veut être la meilleure équipe possible dans les gros matchs en fin d'année. Samuel, c'est quoi est-ce que c'est la meilleure équipe que tu as. Parce que tu étais là quand les Huskies ont perdu en Coupe Memorial en prolongation avec Gilles. Mm-hmm. Est-ce que c'est la meilleure équipe selon toi des Huskies? Est-ce que cette équipe-là est meilleure que celle que vous avez perdu contre Gilles? Ben regarde, honnêtement, je pense que quand on est en 2015, je pense que c'était 2015-2016, ouais. Je me trompe peut-être, mais quand on a gagné, on avait une excellente équipe, c'est clair. Cette année, la seule petite différence, on a peut-être un petit peu plus de profondeur. Sauf que en ce moment, on a encore rien fait. Fait que je pense que pour qu'on puisse se comparer, il va falloir gagner, puis il va falloir gagner la Coupe du Président, puis il va falloir très bien figurer à la Coupe Memorial, puis notre but, c'est de gagner les deux. Pour vraiment pouvoir comparer les deux équipes, il va falloir qu'on gagne, puis c'est vers ça qu'on s'en va. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé justement la question de c'est quoi, comment ça se ressemble, puis tout ça. Honnêtement, pour moi, je pense qu'on a peut-être un petit peu plus de profondeur, sauf que, comme je te dis, il va falloir gagner pour vraiment là, être comme l'édition de auparavant. OK. Sais-tu, il y en a qui disent que votre division est une des plus faibles de la ligue. Est-ce que ça, c'est une crainte également du côté des Huskies? Parce que tu sais, la division des Sags, c'est quand même de plusieurs grosses équipes. Est-ce que ça peut être. Est-ce que votre fiche peut être faussée un peu dû au fait que vous ne jouez pas dans la division la plus forte, là? Ben, moi, je pense pas, parce que OK. récemment, on a joué contre Halifax, on a joué contre Drummondville deux fois, on a joué contre Rimouski deux fois, on a joué contre Cap-Breton également, qui sont une excellente équipe. On a eu des très gros matchs récemment, qu'on a très bien figuré, puis qu'on, je pense que, oui, peut-être une division, des équipes un petit peu plus faibles cette année, sauf que, je pense pas que ça ne ferait pas peur du tout. Moi, je pense qu'on a joué contre des grosses équipes quand même. Tu sais, je veux dire, le format de la Ligue en tant que tel, le nombre de matchs qu'ont des équipes contre lesquelles tu joues n'a pas changé. Donc, on a quand même joué le même nombre de games qu'on joue d'habitude contre Halifax, vraiment dire, puis ça. Fait que pour nous autres, je pense que on est juste confiants. On pense qu'on a une bonne équipe sur la glace, puis ça. Puis comme tu dis, là, la faiblesse à notre division, ben, on contrôle pas ça. Puis nous autres, on veut juste s'améliorer à chaque jour. C'est ta dernière année maintenant avec dans la Ligue de hockey junior du Québec. Comment tu vis ça? Tu vis ça, Ouais, c'est sûr c'est que. les derniers moments, là. C'est vraiment les derniers beaux moments de la ligue, là, d'une belle carrière. Ouais. Exactement. Enfin, moi, je suis un peu nostalgique, là. C'est sûr que je vois un peu qu'est-ce qui s'est passé dans mes 5 dernières années. Honnêtement, ça passe vraiment vite. Ah ouais. Ma dernière année, là, je l'ai même pas vu passer. Puis, j'en profite, t'sais, honnêtement, j'en profite. Là, cette semaine, il y a 3 games, puis je vais en profiter. Ils vont à la cérémonie des 20 ans, là, pour le dernier match de la saison. Je pense que ils vont avoir des super beaux moments qui vont s'en venir pour nous autres. C'est juste d'en profiter. Puis, tu sais, une fois le junior passé, puis on fait une espèce de récapitulation de tout ça. Sauf qu'en ce moment, regarde, je vois jour par jour, puis j'en profite. Puis je sais qu'il y a des beaux moments qui s'en viennent. OK. Est-ce que tu as eu des discussions maintenant avec l'an prochain, puisque je sais que tu as fait étaler au camp du Canadien. Il y avait le hockey universitaire qui était une option également. Peut-être l'Europe. Est-ce que tu s'en es rendu dans la carrière de Samuel Harvey ou on se concentre sur la Ligue junior du Québec tu veux même? Ben regarde, en ce moment, pour vrai, là, moi, mon avenir en tant que tel, j'ai vraiment. On laisse pas un peu dans les mains de mon agent. C'est lui qui a les contacts avec les équipes, s'il y en a. Je suis pas le genre de personne qui aime vraiment savoir qu'est-ce qui se passe en coulisses. Moi, vraiment, là, mon but, c'est de m'améliorer à chaque jour. Je suis vraiment difficile dans le moment présent. Donc, tu sais, en ce moment, je suis vraiment avec les Huskies. J'essaie de m'améliorer, puis je vais jouer un jour à la fois. Je sais que. Mon but n'a pas changé quand même. Mon but, c'est vraiment de signer un contrat professionnel puis jouer dans le hockey professionnel l'année prochaine. Sauf que je sais que j'ai des belles amis universitaires si jamais ça ne marche pas. Donc, pour moi, mon but premier, c'est vraiment de signer un contrat. Puis on va vraiment voir ça peut-être plus vers la fin de l'année. Sinon, ben, regarde, j'ai des belles amis universitaires qui vont s'en venir pour moi. Okay. Ben Samuel, félicitations, bravo pour les Huskies de Rouyn-Noranda. On va suivre ça de très très près. Vous avez quand même marqué l'histoire. C'est pas rien non plus avec les épopées de Sorel de 1973-1914. Bravo pour. On va se reparler sûrement une fois ou deux d'ici la fin de la saison. Yes, parfait, merci beaucoup. Le gardien de but original d'Allemagne des Huskies de Rouyn-Noranda, Samuel.